tout le monde, c'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro... Oh, je sais plus. 606. J'espère que vous allez bien. Moi, j'espère que je finirai par m'entendre parce que pour l'instant, c'est pas terrible, mais c'est pas grave. La dernière de la saga cette année, puisque on termine la saison, hein, c'est normal quand même de terminer la saison, et on se retrouvera au mois de septembre pour de nouvelles aventures. Et pour l'instant, eh bien, je vous laisse avec le générique, le temps que notre ami Marc puisse tout arrêter, la musique et tout ça, on va y arriver. Cette émission, il y aura du Harrison, des Beatles, du Star, des Beatles, du McCartney, des Beatles, du McCartney, des Beatles, du... Ouais, enfin bref, tout le monde, quoi. Donc ça va être bien. Ah, il n'y a pas de John Lennon. Oh, il y en a un qui va être déçu. S'il y aura John Lennon au travers des Beatles, quand même. Pour le reste, eh bien, je vous invite sur la page Facebook, La Saga des Fab Four. Et on commence tout de suite, mais en bien, avec... comment s'appelle-t-il ? George Harrison, en 1970, et My Sweet Lord. Je vous propose la version de l'an 2000. Take so long, my Lord. Hallelujah. Très bien. George Harrison et les Beatles en 1968 avec cette chanson While My Guitar Gently Weeps. C'est la dernière de la saga des Fab Four. C'est vous qui avez fait l'émission pendant la semaine. Je vous ai proposé, je vous ai dit, allez, je vous mets quelques chansons pour vous montrer ce que je souhaiterais. Parce que je souhaitais qu'on mette des chansons connues, mais pas forcément. Et vous avez fait des choix. Vous avez programmé plus de 38 chansons. Du coup, j'en ai laissé quelques-unes dehors. C'est normal, ça vous permettra d'être un peu surpris éventuellement par ce qui se passe. En voici une autre, c'est deux extraits de l'album Abbey Road. D'abord Oh Darling, et ce sera suivi par I Want You, She's So Heavy sur RIG. Oh Darling. We'll be right back.

Et puis, vous avez également le yellowsub.net qui nous permet de tout savoir sur les Beatles. Ah, je considère aussi, j'ai l'intention de vous dire qu'avec le Maca Club, on peut parler des Beatles, bien entendu. Mais yellowsub.net est plus orienté Beatles avec ceux qui aiment McCartney peuvent également en parler sans problème. Et puis, il y a le troisième site, le site international, universel, galactique. Déjà, universel, c'est plus grand que galactique. Donc bon, c'est le site de Lovely Rita. Mais qui est Lovely Rita? Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez tout savoir sur les Beatles ou l'actualité de nos quatre amis de Liverpool, les tournées, les nouveaux CD, etc., faites un tour sur BeatlesMagazine.com 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est aussi sur Instagram, Twitter ou X si vous préférez. Et également Pinterest. Pensez-y, des millions de visiteurs chaque jour, les émissions connues sur les Beatles répertoriées partout dans le monde, c'est BeatlesMagazine.com. Merci Lovely Rita et vive les Beatles, les Beatles, les Beatles. Star qui, dès le début, surprenait tout le monde parce qu'on s'attendait pas à ce qu'il remporte, pas tout à fait la timbale dans les charts, mais il se comportait très très bien, surtout qu'en 1970, je vous le rappelle, Ringo Starr a donc travaillé sur Let It Be, il a travaillé sur l'album de George Harrison, il a travaillé sur celui de John Lennon, et entre-temps, il a même fait lui-même deux albums, l'album Sentimental Journey et l'album Bookups of Blues. Pour quelqu'un qui aimait être tranquille derrière son fût, il s'est quand même bien, derrière ses fûts d'ailleurs, il s'est quand même bien défoncé en 1970. Ceci dit, il avait 30 ans, et à 30 ans, on a quand même énormément d'énergie. Voilà. Donc, c'est bien comme ça.

L'un d'entre vous a demandé Maybe I'm Amazed, mais la version live de Wings Over America. Je me suis dit, c'est peut-être le moyen de mettre quelques lives dans cette chanson. Donc voici à la suite Maybe I'm Amazed, Here Comes the Sun sur Live in Japan et And I Love Her, extrait de l'album Unplugged, The Official Bootleg, sorti en 1991. Tour à tour, c'est Paul McCartney, George Harrison et un nouveau Paul McCartney. RIG 90.7, la radio des Beatles. Maybe I'm amazed at the way I really need you. Imaginez-vous qu'en 1991, Paul McCartney joue pour MTV, donc devant un parterre de, allez, 400 personnes, peut-être quelque chose comme ça. Qu'est-ce que j'aurais aimé être là? Et il joue Unplugged, donc débranché. Et notamment cette chanson, And I Love Her, complètement différente de la version d'origine. Et cette chanson, Julie Harrison l'adore, donc je lui dédicace. Bisous Julie. The sky. Cette chanson est une petite sœur lointaine de Hey Jude dans la façon dont elle est créée, dans la façon dont on reprend le refrain à la fin avec des violons. En tout cas, elle est beatlesque. Elle sonne Beatles. Voilà. Si vous acceptez au moins ça. J'adore cette chanson, However Absurd, sur l'album Press to Play en 1986. Vous êtes sur RG 90.7. J'espère que tout se passe bien. C'est la dernière. Après, il n'y en aura plus. La dernière saga des Fab Four. De la saison 40, on va prendre 2 mois de repos, c'est-à-dire 2 mois de repos de radio. Hein. Moi, je suis toujours dans le coin. Et on reviendra au mois de septembre pour une 41e saison dans la joie, la bonne humeur et tout ça. Et pour l'occasion, pour cette 606e édition de la saga des Fab Four sur RIG 90.7, je vous ai proposé de faire vous-même la playlist. Et vous avez réussi, vous avez fait une playlist qui plaît à tout le monde. Et avec ce titre... Je suis le Morse. Et sur l'album d'origine, ceux qui sont nés dans les années 60 et qui ont acheté l'album, le petit EP de Magical Mystery Tour, le titre de la chanson exacte était I am the Walrus, entre parenthèses, No you're not. Vérifiez. I'm crying. your knickers down. I am the Eggman. Avec John Lennon, je vous avais dit qu'il n'y avait pas de John Lennon. Oui, si, si, il y a du John Lennon au travers des Beatles. Voici sur RG, Tomorrow Never Knows, et nous allons également écouter In My Life. C'est vous qui avez choisi les titres ce soir pour la dernière de la saga des Fab Four. Avec les Beatles du début, il faut se souvenir que l'harmonie vocale, les harmonies vocales des trois principaux, à savoir Lennon, McCartney et Harrison, se mariaient drôlement bien. Ils arrivaient vraiment à trouver quelque chose de très très bon. Que George Harrison, au début, guitariste un poil débutant, avait réussi à trouver sa marque et vraiment était très bon. Que McCartney, qui, au tout début, mais je parle avant que les Beatles soient connus, ne faisait pas de basse. Il a fini par s'y mettre. Et il a été innovant, mélodiste hors pair, etc. Et que John Lennon, également, lui aussi, savait tirer son épingle du jeu. Sans oublier Ringo Starr. Ringo Starr, s'il n'avait pas été là, peut-être que les Beatles auraient été un poil différents. Parce que lui, il essayait de faire que sa batterie ajoutait quelque chose à la musique. Et il a réussi à chaque fois. Et surtout, surtout, c'est John Lennon qui disait ça. Bon, Mark McCartney a dû le dire aussi. Ringo Starr, c'est un métronome et tu peux lui faire prendre un tempo, tu peux le faire durer 25 minutes, ça marche, il restera 25 minutes, tu peux poser le métronome à côté, ça ne bougera pas. C'était ça Ringo Starr. Ringo Starr également avait et a encore beaucoup de talent. Voici George Harrison sur RIG en 1970, All Things Must Pass. C'est une chanson qui parlait un petit peu des problèmes qu'il y avait dans les années 60, fin des années 60, vers 69 avec les Beatles. Donc il disait, eh bien voilà, tout ça, ça doit se terminer quelque part. Il l'a gardé pour lui en solo, et c'est drôlement bien. Cloudburst doesn't last all day. principe, vers cette heure-là, c'est l'heure de la cover. Eh bien, pour la dernière, j'ai choisi de ne pas faire de cover. On va le faire à l'envers. C'est George Harrison qui faisait la cover de quelqu'un dans son album Somewhere in England en 1981. Voici Baltimore Oriole sur RIG. By dawn's first light, I'll come back to your room again. With my carnation hidden by the packages I'm carrying. Something I'm carrying.

we're so sorry. De minutes, ce sera Eric, sa dernière, lui aussi, de Johnny de A à Z. Mais auparavant, Je voulais souligner, c'est quelqu'un, je crois c'est Yann, qui l'a dit dans, sur Facebook, dans le groupe La Saga des Fab Four, que c'était une bonne idée d'avoir choisi de faire un sondage pour que ce soit vous qui choisissiez vos titres. Oui, c'est ça m'est déjà arrivé de le faire. Et vous vous êtes rendu compte, parce que j'ai eu un message aussi provenant de ça, que c'est très difficile de choisir des chansons pour loger seulement dans 2 heures. Parce que l'air de rien, il en manque plein. On aurait voulu en écouter beaucoup plus. Voici What is Life, à nouveau sur All Things Must Pass. C'est vous qui l'avez demandé. Et c'est sur RIG 90.7, la radio des Beatles. Accélère un petit peu parce que le temps passe vite et puis si on veut passer les 3 quarts et demi de tout ce qui a été programmé, il faut changer de chanson, ce qu'on fait maintenant avec cette chanson avec un parfum de Jeff Lynne dedans en 1987, That's What It Takes, George Harrison. And now it begins to shine. Paul McCartney d'avoir sorti un nouvel album en 2024, un album qui aurait dû sortir il y a 50 ans. C'est One Hand Clapping. Voici un extrait. Bluebird, j'allais dire Blackbird. Bluebird sur RNG. Fly away through the mist. bluebirds, we're the bluebirds, we're the bluebirds. Dans les slow et avec Paul McCartney. Once Upon Long Ago sur RIG. Bientôt la fin de la saga. Mais on revient en septembre, hein, promis. Dans quelques minutes, ce sera Eric et Johnny de A à Z. Picking up scales and broken chords, puppy dog tails in the House of Lords. Tell me, darling, what can it mean? Making up moons in a minor key. What are those tunes got to do with me? Tell me, darling, where have you been? Once upon a long ago, children searched for treasure. Nature's blood. Blowing balloons on a windy day, desolate dunes with a lot to say. Tell me, darling, what have you seen? Non, un Ringo Starr, quoi qu'il sera présent dans la dernière chanson. Pour l'instant, c'est Rory and the Hurricanes sur l'album Postcards from Paradise, déjà en 2015. Que le temps passe vite. Postcards barely headed for the M1.

voilà, c'est terminé pour cette année, cette année scolaire, on va dire. La 40e saison de la saga des Fab Four vient de s'achever, mais on recommence au mois de septembre pour une 41e saison. Merci d'être resté, merci d'avoir écouté, merci d'avoir proposé des chansons. Merci à vous, vous êtes un véritable moteur pour moi. Ça me fait énormément plaisir de faire cette saga chaque semaine pour vous entre septembre et juin. Je vous laisse entre de très bonnes mains celle de mon meilleur ami de radio, Georges Lingue. Non, pas tout à fait, c'est Eric, mais c'est bien aussi. C'est pour Johnny de A à Z. À très bientôt, ciao et bonnes vacances. Et restez, ça va être encore très très bien. We'll be right back.